sur les sables mouvants. Je l'aime. En anglais, en allemand. Je l'aime. Quand elle prend les devants. Je l'aime même. Dans les bras d'un amant. Ma brésilienne. Dans ma contemplation. Elle m'aime. Quand ma parole est con. Elle m'aime. Quand je suis coquet. Elle m'aime même. Dans mon nez emblème. Ma brésilienne. Elle a nourri en silence l'esprit d'une substance amoureuse ailée. Mon héroïne à la vie, à la mort, en vie, en remords, dans nos corps à corps, dans nos désaccords, j'en veux encore. À la vie, à la mort, en vie, en remords, dans nos corps à corps, dans nos désaccords, j'en veux encore. Quand elle me déserte, je l'aime, d'égal à égal, je l'aime. Quand elle me vénère, je l'aime même. Quand elle court à notre perte, ma brésilienne. Dans ma méta-névrose, elle-même. En overdose, elle-même. Par devant, par derrière, elle-même même. Quand je suis sa chienne, ma brésilienne. Elle a drogué en silence mes plis d'une substance amoureuse. Bonjour et bienvenue dans votre émission Au fil des mots sur RDB. Bonjour Christophe. Salut Sabine, salut tout le monde, comment ça va? Eh bien ça va bien, et on approche de l'été. Oui, on approche de l'été. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Eh oui. On a passé une super saison de nouveau. Hein. Oui. Effectivement, pour cette dernière, on vous amène à Tournon-sur-Rhône, à la rencontre de l'artiste parisien Thomas Jagas, pour son projet Jagas. Nous l'avons interviewé à l'occasion du concert organisé par le Centre socioculturel de Tournon pour la Journée des Fiertés. Journée en collaboration avec Déclic Radio. Eh oui, on salue Véronique et l'équipe de Déclic Radio qui nous a reçus. Cette interview s'est faite dans la rue, à l'entrée du centre Georges Brassens. Vous aurez donc, évidemment, les bruits de la rue. Vous avez également entendu en intro de l'émission la chanson de Jagas, ma brésilienne, qu'on entend régulièrement sur des ondes de RDB. On vous souhaite beaucoup d'amour à donner autant qu'à recevoir, pour le faire vivre chaque jour. Cet amour qui nous porte et nous apporte son lot de découvertes, de compréhension de soi, du monde, des autres et parfois même un nouveau pays d'adoption. Jagas renoue avec du rock et de la chanson en français engagée et poétique à mille lieues du cynisme et de la résignation ambiante. Furieusement humaniste, joyeusement militant, Jagas fait se rencontrer la passion de Mano Solo, la poésie de Brel, la générosité des ogres de Barbac. Un chant exalté, un groove ravageur, des riffs assassins, voilà le cocktail explosif que Jagas délivre à qui veut l'entendre. Il vit pour la scène, chaque live est un moment de vie unique à partager. Avec son projet de chanson rock français moderne, il chante le vivant, les gens, le monde avec une musique dansante, emplie d'espoir. On écoute son interview. Bonjour, alors ce soir on est avec Thomas pour son projet Jagas. On est à Tournon pour le Rassemblement des Fiertés. Exactement. Bonjour, bonjour RDB, salut, ça va ? Bonjour, salut, salut Thomas. C'est un Thomas. Plaisir de te retrouver parce qu'on t'avait rencontré il y a quelques années sur Saint-Martin-de-Valamas. Effectivement, moi aussi ça me fait plaisir de vous revoir. On a toujours gardé un peu contact via les réseaux comme ça de temps en temps. Oui, oui, je suis un peu l'actualité de loin. Et puis là, quand j'ai vu que tu étais à Tournon, j'ai dit à Christophe, alors il m'a dit oui, ok, ça va. Et puis moi, c'était l'occasion de te rencontrer. Avec plaisir. Alors, on voudrait parler de toi un petit peu pour les auditeurs qui te connaissent pas encore peut-être forcément. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton projet en fait ? Et ensuite, on va parler de ce qu'on fait là aujourd'hui. D'accord, avec plaisir. Alors, qui je suis ? C'est une vaste question. Ça fait 20 ans que je suis en psychanalyse, j'ai toujours pas répondu à ça. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'essaie d'être assez serein dans un monde un peu plus en tension, on va dire. Quel est mon projet ? C'est un projet pétri de convictions, d'amour, de tendresse et de révolte. À la fois qui mêle chanson, un peu fusion avec du rock, avec des passages Word, quelque chose d'assez éclectique dans sa forme. Et puis, surtout du texte. Ouais. Avant tout, le texte, je suis un amoureux de la poésie, donc j'aime bien dire, me qualifier de groupe, du moins qualifier le groupe de chansons poétiques, voilà. Oui, parce que tu écris, tu composes tes musiques et tes textes. Oui, c'est ça, effectivement, j'écris, je compose les musiques et les textes, et puis avec les copains et copines, on peut réarranger et réadapter, voilà. Selon les humeurs, selon comment on ressent la manière de rendre au morceau et au texte, surtout la valeur qu'il doit avoir en émotion. Donc tu peux nous présenter tes musiciens ? Bien sûr, bien sûr. Alors il y a le bassiste historique du groupe, Enzo Derlon, qui est là, fidèle compagnon en toute heure. Il joue également du moog et du clavier et qui fait les chœurs. Il y a également Théo qui nous a rejoint, le dernier guitariste qui a remplacé Bruno à l'époque, qui était un membre historique aussi. Mais maintenant, ça va faire plus de 3 ans que Théo est là, avec ses solos un peu de guitare héros et son énergie un peu incomparable. C'est assez agréable de jouer avec Théo de Honde à la guitare. Romain Bouige à la batterie et aussi tout ce qui va être l'arrangement et la production en lançant les Ableton sur scène, voilà ce qu'on dit, les stems quoi, et Clarisse, notre accordéoniste de folie. Ah oui, je me rappelle sur scène, sur scène c'est plein d'énergie. Oui, c'est plein d'énergie et on essaye de rendre assez juste les émotions qu'on veut retransmettre. Quand c'est énergique, ça doit l'être, quand c'est sensible. Il y a des émotions qui passent aussi avec le public, avec le partage. Oui. Effectivement. Ça m'avait marqué. Tant mieux, merci. Donc ce soir, on retrouve la formation au complet sur scène. Ouais, exactement. Voilà, vous allez nous jouer des morceaux plus ou moins récents, j'imagine. Ouais, bien sûr. Tous les ans, on renouvelle un peu notre répertoire, mais on va jouer tous les morceaux qui sont sortis il y a peu. Et qu'on peut écouter donc sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, ouais. Tu veux que je dise lesquels ? Ouais, allez. On peut carrément écouter des morceaux sur les réseaux, donc ça va de Spotify à Deezer, bien évidemment, à d'autres un peu moins tendance, on va dire, et YouTube, voilà, vous pourrez trouver notre musique en streaming. Mais le mieux, c'est aussi de la retrouver en live. Oui, pour le vivre en même temps. Oui, parce que c'est pas la même énergie sur scène. Non, c'est jamais la même énergie, c'est clair. C'est normal. Il y a aussi des clips sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on retrouve tous les clips, on s'est mis aux clips, J'ai vu sur les derniers, ma brésilienne, Dinan. Dinan, et... exactement. Voilà, on a décidé de mettre un peu d'image sur notre musique parce que c'est un besoin. Les gens regardent la musique aussi. C'est le monde un peu d'aujourd'hui et ce qui n'est pas déplaisant. Coûteux, mais pas déplaisant. Oui, c'est sûr qu'après, c'est un autre coup. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot du coup sur Laurent Guigonnet ? Oui, bien sûr. C'est un travail en collaboration avec Le Plan qui est une scène du côté de Ris-Orangis dans le 91 voilà. Et qui nous a permis effectivement de pouvoir enregistrer dans des conditions plutôt optimum. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est un partenariat noué grâce à notre manageuse Chloé qui fait des efforts sans relâche pour nous donner les meilleures conditions pour pouvoir faire notre travail, notre métier quoi. Toi Thomas, tu es originaire de là-haut, de Ris-Orangis là-haut ? Non du tout, moi je suis plutôt de la banlieue parisienne, mais c'est la banlieue parisienne, mais plutôt nord-ouest. D'accord. Et mais vous naviguez sur toute la France, si oui, bien sûr, oui, bien sûr. Okay. Français et Europe aussi. Et Europe, ouais, parce qu'on a cru comprendre que tu allais bouger bientôt. Ouais, effectivement. Exactement, une tournée en perspective en Allemagne, ouais. Ah oui, c'est bien. Et donc, du coup, ça ramène un petit peu à la chanson Dinan ? Exactement. Il y a un lien, quoi, tu vas nous expliquer. Complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre avec Constantin Wecker ? C'est une belle rencontre qui mêle des engagements partagés, notamment sur la volonté de mettre en mots une approche pacifique du monde et d'être plutôt sur une volonté de croire en la paix et en une organisation moins brutale et frontale de nos politiciens. Lui, c'est un enfant de parents qui ont fait la Seconde Guerre mondiale du côté allemand et donc parents de résistants. Il y a eu quand même des résistants aussi en Allemagne et c'est bien de pouvoir confronter notre imaginaire à ça. Et c'est un artiste engagé et profond dans ses mots qui manie la langue que je connais pas bien en tout cas la langue allemande, mais qui la manie des retours que j'ai pu avoir et du travail que je fais avec ma manageuse qui, elle, connaît très bien la langue allemande. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir traduire ce morceau qui, moi, m'a touché et j'ai voulu l'actualiser version française. Ce morceau qui s'appelle Zagenein en Allemagne. Et donc, c'est un remix du morceau des années 70 de Constantin Wecker, mais actualisé avec notre conjoncture française. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, il faut absolument aller voir le clip parce qu'il est excellent. Voilà, j'en merci. Profite. Sacrée réalisation de Rosa, effectivement. Ouais. Ce soir, on va entendre aussi une autre chanson, Devenu 2. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson ? La vraie histoire de Devenu 2, c'était la volonté de parler des amours impossibles. Et moi, j'avais dans ma tête, quand je parle des murs dans la chanson, des passerelles à dépasser, c'est effectivement ceux qui peuvent confronter à la logique de la tradition, peut-être des mariages forcés, mais c'est aussi la question des murs au sens physique, comme ils existent, comme on peut le connaître dans le conflit israélo-palestinien. C'est une approche qui était de dire on est devenu deux malgré les interdits et aujourd'hui la journée, le rassemblement des fiertés, c'est un moment qui peut très bien être représentatif de cette chanson parce qu'elle peut très bien s'adresser aussi bien à des couples lesbiens que des couples homosexuels, que des couples hétérosexuels, que des couples de tout genre, que des couples n'ayant pas les mêmes partages. Et on voulait le faire avec tendresse et une version plus populaire, plus marquée populaire, voilà. En plus ça permet sur une journée comme aujourd'hui de mettre le loi sur le fait de vouloir défendre les différences des uns et des autres et l'idée qu'on puisse être pas tous les mêmes. C'est important de participer à ce genre de journée ? Bah, moi, ça me semble plus qu'important, évident en fait. Ouais. Moi, je suis content d'être là, j'aurais pas voulu être ailleurs d'une certaine manière. Puis après, malheureusement, si on doit mobiliser des gens pour faire fierté et dire que des droits doivent être reconnus, peu importe la façon dont les gens s'identifient, c'est qu'il y a des besoins encore et que c'est pas encore exolu. Et même si même parfois en matière de droit, l'organisation permet d'avoir du droit commun ou d'être proche du droit commun. Malheureusement, on voit qu'après, il y a la question des représentations des gens et beaucoup de discrimination. Et c'est là où le bas blesse. Ça fait mal de ne pas se sentir accueilli dans une humanité qui devrait accepter sa diversité. Voilà. Oui, les yeux ne sont pas encore bien faits. Voilà. Exactement. Donc, okay. Au niveau, tu avais sorti un album en 2022, Ravi. Est-ce qu'il y a un autre projet en cours d'album ou c'est des singles pour le moment ? Ouais, moi j'aime bien la logique single. Ce qu'on peut faire en single pour l'instant, c'est qu'à chaque fois on essaye de faire un clip à côté en même temps. Donc ça, ça permet aussi d'être sur une autre façon de faire de la musique. Mais effectivement, on lâche pas l'idée d'un album. Je l'espère en 2025 plutôt, et tout en continuant des sorties un peu régulières de singles. Ce qu'on faisait pas à l'époque avec Jagas, où on était plus à la rencontre du public sur la route. On voulait pas trop s'enquiquiner à faire des sorties de sons, des trucs comme ça. On voulait que les gens viennent et qu'on partage des moments ensemble. Mais on s'est rendu compte que les cultures ont changé, les approches ont changé, oui. Les mentalités, les gens ont besoin, ont envie d'écouter, naviguer, découvrir. Et donc voilà, on s'est un peu conformé à cette pratique-là. Est-ce que tu as un message à faire passer ? Bah aujourd'hui, en cette journée en tout cas, rassemblement des fiertés, oui, soyons fiers de ce que nous sommes capables de produire quand on a un groupe de musique et de ramener du vivant. Soyons fiers de nous engager dans des associations pour permettre à des gens de se reconnaître dans leur propre histoire de vie. Et notamment, je trouve qu'aujourd'hui, cette journée qualifie très bien les parcours qui peuvent être écorchés ou difficiles, et puis de se dire, bon, en fait, il y a aussi des espaces pour des personnes, les personnes LGBTQIA+, pour les personnes, comme on dit, racisées, ou les personnes qui ont envie, en fait, de se retrouver dans des lieux où ils peuvent aussi se sentir bien. Et ça, c'est cool. Donc, allons-y. Ok, ben, on se retrouve ce soir sur scène, alors. Allez, voilà. À ce soir, alors. Merci, Thomas. Ciao. Merci beaucoup pour ce petit moment. Très sympa cet échange avec Thomas Jagas. Oui, c'était un plaisir de le retrouver. Exactement, oui. Puis le concert était génial. Moi, je vous propose d'écouter d'autres morceaux de lui, du coup, de Sabine. Et oui, on va commencer par Dinon, une adaptation de la chanson Zagenein de Constantin Wecker, dont Thomas nous parle dans son interview. Cette chanson, au fond profondément humain et courageux, fait entendre par ses mots et sa détermination le besoin de faire un choix, celui de dire non, et de s'opposer aux ingrédients qui nous mènent vers l'injustice, la discrimination, l'intolérance, la guerre. En s'appropriant cette chanson, Thomas veut montrer que l'on doit lutter ensemble dans toute l'Europe, alors que résonnent les grondements des extrêmes et du repli sur soi, dans un temps où vont les chars d'assaut à plusieurs endroits de la planète. Sortir de nouveau cette chanson, c'est faire un lien avec le temps d'avant pour parler d'aujourd'hui et ainsi partager le message qu'il y va de notre responsabilité de nous impliquer. Dire non, ce n'est pas choisir un camp, mais un chemin vers la réconciliation avant que l'on se mette à dire « c'est trop tard ». Et ensuite, ce sera la chanson « Devenue 2 », sortie à une semaine d'intervalle avec Dinon en mars 2024. Les tambours tremblent, marchons au pas, pris sans pudeur, je te et toi, montre du doigt la différence, le grand nez, la voilée, l'éternel assisté. Terroristes de la haine qui narguent en chantant, ils aiment leur pays, pas ceux qui sont dedans, que ce soit une voisine, une amie, un amant, fais face et dis non. Que la terre est plate, l'IVG mauvais, rangé dans le bras, Auschwitz inventé, histoire en point de détail, même en pointillé. Le gourou du jeu sait tout, toi aussi tu le connais, fais face, dis non. Que tu sois fonctionnaire, chanteur, actionnaire, balayeur, politicien, croyant, chercheur, écolo, pompier ou sapeur, Draco, RSA, chômeur, prof, avocat, youtubeur, résiste, va courvol et dis non. Et si on met dans ton pays les mêmes gueules dans les mêmes quartiers, les bouses dans les bleds paumés, isolés, on se met à penser que l'autre est diamétralement l'opposé, puis le mafé ou le cul de fermier, au prochain qui se plaint d'être grand remplacé, sinon. Et si des gars harcèlent les gays, de par la route d'or se bomber, tape la papote, palpe sans capote, persuadé que les femmes sont des corps à porter, prêt à prendre ta main pour ne plus la lâcher et l'accrocher au temps des tâches au foyer. Fais face et dis non. Que tu sois fonctionnaire, chanteur, actionnaire, balayeur, politicien, croyant, chercheur, écolo, pompier ou sapeur, Draco, RSA, chômeur, prof, avocat, youtubeur, résiste, va qu'on vole. s'en sert pour se faire voter. À quelques points ça passe, mais pour combien d'années? C'est un lieu d'un discours sur fond de croix celtique. Crie vive la victoire, mais les idées nous piquent. Elles deviennent tendance pour leur arithmétique. Au fada de la guerre, on voit comme solution traitera nos chansons. Hymne des cons, se moqueront de nos cris en public en canon. Nous accueillerons votre âge en toute humilité pour semer votre colère, en faire des quittés. Vous avez déserté l'espoir, nous peindrons l'horizon de cœur en nom familial. Que tu sois féministe, chanteuse, actionnaire, balayeuse, politicienne, croyante, chercheuse, écolo, pompière ou sapeuse, Draco RSA chômeuse, prof avocate, youtubeuse, résiste, va qu'on vole et dis non. Et dis non. Je suis devenu deux, devenu deux, devenu deux. Je suis devenu deux, devenu deux, devenu deux. Elle est mon jeu au naturel. Je m'en mêle dans ses yeux. Céleste, elle est pas. Celle de ma vie en feu, avec elle, je suis devenu deux, devenu deux, devenu deux. Je suis devenu deux, devenu deux, devenu deux. Sachez que vous pouvez également trouver le clip de Ma Brésilienne et le super clip de Dino sur YouTube. N'hésitez pas à retrouver Jagas également sur les plateformes de streaming. Et vous êtes toujours dans votre émission Fil des mots sur RDB. Et aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, messieurs, dames. Et oui, profitez-en. Un autre single sorti en août 2023, Comment on s'aime, et Cerf-Volant, qui nous parle de nature, extrait de son album Ravi, qui est sorti, lui, en 2022. Est-ce un rite de passage, une scène de ménage, une prison sans cage? Est-ce tes mots dans tes mots, tes bouquets en cadeau? Le pardon quand c'est trop? Est-ce que ça va trop loin? Prend-on le même chemin? Je demain trop vilain. Est-ce ton corps sur mon corps? Je n'ose plus dire d'accord et j'en ai des remords. Est-ce dans nos traditions, nos contradictions, ces procès d'intention? Est-ce le rouge passion des premières sensations qui piquent nos discussions? Est-ce ton trop d'attention qui choisit mon blouson, ma robe, mes émotions? Est-ce le vocabulaire, toujours un peu vulgaire, qui me dit comment faire? Comment c'est? Je me demande encore si tout baigne, si tout doux baigne. Comment, les corps baignent? Ai-je raison tant de dire baigne? Tes yeux où se devine le bleu des moments orageux? Est-ce la domination ou de l'excitation quand tu joues le maton? Est-ce mes mots de travers dont tu riais hier qui éveillent ta colère? Est-ce un jeu de pensée, une manière d'avancer qui commande tout ce que je fais? Comment on s'aime? Je me demande encore si tout baigne, si tout doux baigne. Comment, les corps baignent? Ai-je raison tant de dire baigne? Et vous êtes toujours dans Au fil des mots. Cette émission, c'est la dernière de la saison. On en profite avec Sabine. Et oui. Au fond du grenier depuis 20 ans, j'ai peur de voler, faire rire les enfants. Ils m'ont remplacé par des écrans. J'ai la corde nouée, je ressens l'appel du vent. Je crois qu'il y a un blême, papa, la météo déconne. Le ciel pisse pendant des mois, ça inonde mamie Yvonne. Et les champs qui absorbent que dalle, noient les tournesols pendant que flottent les bagnoles. Et j'ai fait un rêve, un ouf de rêve, de revoir le monde. J'ai fait un rêve qu'ensemble on s'élève contre les bombes sous le soleil. Colorier la pluie, les nuages gris, faire sourire tes yeux aussi. Si je ne peux plus danser, à quoi ça sert d'être un cerf-volant? Depuis que tu m'as rangé, est-ce que je te manque de temps en temps? J'ai le bois qui craque, le mal de l'air, sûr perdu mes couleurs d'hier. Souvenir en vrac, ça me revient. Tu tenais le fil de mon cœur entre tes mains. Et papa, ça tweet des choses bizarres. Y'a un mec à flingue dans les paluches, il porte des animaux, on dirait des peluches. Au moins, celle de mon lit, elle sourit. Et j'ai fait un rêve. Ensemble on s'élève contre les bombes sous le soleil. Colorier la pluie, les nuages gris, faire sourire tes yeux aussi. Si je ne peux plus danser, à quoi ça sert d'être un cerf-volant? Depuis que tu m'as rangé, est-ce que je te manque de temps en temps? Un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Un peu, beaucoup, passionnément. Je crois qu'il y a un blême, papa. La météo déconne. Le ciel pisse pendant des mois, ça inonde mamie Yvonne. Et les champs qui absorbent, que dalle. Noient les tournesols pendant que flottent les bagnoles. Et les abeilles, papa. Tu sais, je suis folle, une love d'abeilles, papa. Elles font l'amour aux fleurs, comme elles ont pas de capote. Avec tous les produits qu'elles chopent, et ben souvent elles meurent. Et moi j'aurais plus de miel sur mes tartines au beurre. Papa, regarde, c'est dément le soleil qui brûle trop chaud. À ce qui paraît, les glaces elles fondent. Et moi j'adore les esquimaux sans glace, que deviendra le monde? Tous les mômes vont chialer, il y aura la montée des eaux. Y'a des stories Insta qui montrent un de ces dawa de rue tout enfumé par des usines pétées et des visages masqués qui essayent de respirer. Pourquoi ils ont pas pensé à boucher des cheminées avec des arbres? Et j'ai fait un rêve avant que je crève. Allez viens, on se casse au soleil. Colorier la pluie, les nuages gris, quitte à ça sert d'être un cerf-volant. Qu'est-ce que t'en as fait toutes ces années de tes rêves d'enfant? Et bien voilà, c'était bien sympa ce petit moment passé avec Thomas Jagas et son groupe. Oui, parce que c'est plein d'énergie sur scène, hein. On s'est régalé. Et on arrive donc pour la deuxième partie de l'émission. Nous vous amenons à la rencontre d'artistes indépendants pour vous faire découvrir leur travail de création. Et bien moi, je vous emmène avec le coup de cœur de mon fils, qui avait aucun doute que sa mère allait adorer aussi. Il s'agit du groupe Sins. C'est bizarre, je ne suis pas surpris. Eh oui, tu nous connais un peu. Sins est une formation de 4 musiciens originaires de Lyon qui existe depuis 2014. Leur musique mélange la puissance du rock et du métal avec la légèreté de la langue française et une touche d'expérimentation. Bien que le groupe ait réalisé plusieurs concerts dans la région, ce n'est que récemment, en 2022, qu'il sort ses premiers singles. En 2023, il sort un clip réalisé à partir d'un financement participatif. Le clip rencontre un petit succès et permet au groupe d'agrandir sa communauté et de renforcer son image. Eh bien, nous allons écouter le titre épouvantable dont on retrouve le dessin sur chaque single, avec un clip qui est sorti en mai dernier. Le roi de quoi? Le roi des pieds. cultive ma terre. Radis, chou-fleur, carotte, pavé et pomme d'api. Tu voulais que je dispose de terre. Mais ici c'est mes lois, donc viens pas pique-niquer. Ta mère s'inquiète pour toi, je ne suis pas fréquentable dans ma contrée. Tu ne devrais pas rester. Tu veux résister, mais pourtant tu le sais. Ta peur nourrit mon emprise sur les gens comme toi. Je suis le serveur des navets, je suis le Robin de ses poids, je suis le Jésus de ses plaies. Voilà un morceau qui dépote. Oui, oui, ça essaye de tourner à la maison aussi. Les ingénieurs de Les Isards, finalement, ça joue bien. Hein. Oui, ça joue pas mal, ouais. Allez, moi, je vais vous parler du groupe Alcabaya. Ce groupe créé à Saint-Étienne en 2008 par le chanteur-guitariste Bastien Vidal. Aujourd'hui, Alcabaya affiche plus de 400 concerts au compteur. Si l'Alcabaya nouveau est arrivé avec quelques gouttes d'électro dans son moteur, il conserve l'essentiel de l'ADN qui fait que l'on aime le quatuor. Des compositions solides, des textes bien ficelés et cette énergie hautement communicative qui émane d'un collectif déjà bien rodé. Alcabaya, vous pourrez les retrouver au Festival du Pigeonnier de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux le 27 juillet 2024. Un groupe que nous avions pu voir également sur la scène du village des musiciens de Saint-Martin-Valamas et au Chélard. Voici donc leur dernier titre, sorti le 17 mai, Albator. Vous pouvez également voir le clip sur YouTube. Y'en a marre d'être un yachtsman. J'ai envie d'être le shaitan. Éviter le burn-out et de vivre en fade out. On nous promet la lune, à la fin y'aura des thunes. J'vois rien venir, j'vois plus l'avenir. On me parle d'amour et j'vois divorce. On me parle étude, je vois solitude. Le réveil sonne, y'a plus personne pour l'éteindre, alors résonne l'insomnie des angoisses nocturnes. Y'en a marre de taciturne. J'ai envie de serrer le col, de vivre, prendre mon envol. Ciao, je fais le grand saut. On se verra plus haut. Un jour je m'éloignerai du bord. On m'appellera Albator et je naviguerai sans remords. D'amour je serai. Y'en a marre, y'en a marre, marre, y'en a marre, marre, y'en a marre. Y'en a marre d'entendre la fonte des glaces, le PIB, le chômage, de voir le jour à travers ce brouillard. Tous les matins dans le miroir, se dire ah si j'étais moins trouillard. J'en serais peut-être pas là, mais c'est trop tard. Moi je ne veux plus rester sage. Monsieur tout le monde a la rage. Laissez filer la colère. Faire du bruit, me rouler par terre. Ne plus jamais me laisser faire. De mon placard, je veux plus me taire. J'ai envie de serrer le col. De vivre, prendre mon envol. Ciao, je fais le grand saut. On se reverra plus haut. Un jour je m'éloignerai du bord. On m'appelle Albator et je naviguerai sans remords. D'amour je serai ivre mort. Y'en a marre, marre. Y'en a marre, marre. Y'en a marre, marre. sortira, même si je ne te connais pas. Pour l'instant je suis au plus bas et tu n'existes pas. Rendez-vous au point de non-retour, j'ai envie de faire le plan avant le compte à rebours. J'ai envie de devenir sourd, grignoter les alentours, dans la nuit voir le jour, naufragé pour toujours sur le radeau de l'amour. J'ai envie de serrer le col, de vivre, prendre mon envol. Ciao, je fais le grand saut, on se verra plus haut. Un jour je m'éloignerai du bord, on m'appellera Albator et je naviguerai sans remords. D'amour je serai irremore, y'en a mort. Y'en a mort. Y'en a mort, y'en a mort, y'en a mort. On m'appellera Albator et je naviguerai sans remords. D'amour je serai ivre mort. Un autre groupe local, nous partons à Valence avec de l'électropop et le retour du groupe Grande Police et son titre de Children, sorti le 15 mai dernier. On salue les membres du groupe et notamment Rémi Dugan avec son groupe Remingway et David Laurent, dont on vous a parlé dans d'autres de ses projets. Since we've started, we've failed. Who's got an answer? The doctors won't tell. Keep trying again. Time goes by and still nothing. We have time for the children, and it's fine not to listen. It feels okay. It's a thing, it has borders. You can go over the line. It feels okay. Eh bien, j'aimerais vous parler maintenant d'une jeune artiste en train d'émerger dans le sud de la France, dans la région des Bouches-du-Rhône, tout autour de Marseille. Je voudrais parler de cette jeune femme qui s'appelle Elora Cotta, une artiste pop aux multiples facettes, bercée principalement par la pop, Beyoncé, Shime, et la variété française, Jennifer et Pokora. Depuis son plus jeune âge, elle a diversifié ses influences au fil du temps. La pop latine, le R&B, le rock, la dance, toutes ces influences qui nourrissent aujourd'hui sa musique. Et Elora crée ses chansons souvent accompagnées de mélodies envoûtantes et de rythmes dansants. Elle façonne par-dessus des refrains entêtants avec des textes parlant des relations qui l'entourent. À seulement 21 ans, elle entreprend seule la production de ses morceaux, dans lesquels vous pourrez sentir transpirer sa détermination et sa fraîcheur. Alors moi je tiens juste à apporter une précision, c'est que Elora Cotta s'appelle également Elora Cotta Atser, comme moi donc. Il s'agit tout simplement d'une petite cousine et je la salue et je suis heureux de pouvoir la faire diffusé en radio, voilà. Bah très bien. Allez, on écoute son titre qui s'appelle La Reine. Je me mure dans les silences, l'imposture et l'inconscience. Nos deux mains se rapprochent sans le savoir. Pas sûr des règles du jeu. Si j'ai compris, ça joue à deux. Je compte pas finir la partie, fallait le prévoir. C'est toi qui commence et qui m'entraîne. Si c'est toi le roi, moi je suis la reine. C'est moi qui rejoue, faut pas que ça s'arrête. Dis-moi si on vient pour. En avance, sur tous tes coups d'armes, tous tes coups de charme, je ne lâcherai pas une larme. La partie est enivrante, ton arrogance est attirante. Je me prends au jeu du face à face, je veux juste que tu m'embrasses. C'est toi qui commence et qui m'entraîne, c'est toi. Dans la rue. La dernière émission, c'était Liane Edwards. Il y a une raison, Christophe ? Ah oui, oui, il y a une raison. D'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter l'émission si vous l'avez ratée sur le podcast de la radio. Oui, il y a une raison parce que avec Liane, nous allons vous retrouver dès vendredi, là, sur la place de la Guinguette chez l'Art. Et oui. Puisque c'est la fête de la musique ce vendredi. Et avec la formation complète de Liane Edwards, c'est-à-dire Liane and the Dustraiser, on sera 5 sur scène pour vous proposer un concert country rock avec plein de morceaux sympas et beaucoup d'énergie sur scène. Et cette fête de la musique est organisée par le comité des fêtes du chez l'Art. Exactement. On salue Simone et toute son équipe. Oui, on les salue parce que je salue le travail qu'ils font chaque année et je suis très heureux de leur invitation et de pouvoir jouer pour eux donc sur le chez l'Art. D'ailleurs, il y a 2 autres groupes, il faut venir nombreux, messieurs-dames, pour soutenir cette soirée. On n'est pas sorti de la grange et Oubéré. Voilà, 2 styles de musique bien rock en tout cas. Alors en matière de dates, puisqu'on y est, je vais annoncer 2 autres dates. Je vais commencer par le 5 juillet, puisque le 5 juillet, avec Sabine, nous aurons l'occasion de présenter notre duo Une Note, Un Regard, donc notre expo-concert. Nous serons à Grosjean, à la Guinguette Mam, chez Nathalie Merle, que nous saluons et que nous remercions pour son invitation. J'en profite pour vous rappeler, messieurs, dames, que ce duo Une Note, Un Regard, c'est tout simplement pour nous notre façon de partager le travail que nous faisons à longueur d'année, c'est-à-dire moi en tant qu'auteur, compositeur, interprète, et Sabine en tant que photographe. Vous pourrez retrouver mes tableaux, donc du coup, autour de Christophe, qui feront le décor. Et puis, vous pouvez aussi retrouver mes tableaux, des souvenirs d'Ardèche, exposés à l'atelier ou au chalet, à Saint-Martin-de-Valamas. Et suivant les jours, vous pourrez me retrouver aussi au mercredi de Belle-Sainte et au marché nocturne du chez l'Art le 12 juillet et le 9 août. Il y a des portraits en studio, mais ça c'est sur rendez-vous. Et des animations, il y en aura aussi en juillet et août avec des jeux en bois et des photos sur fond de Dolce Via. Mais vous aurez toutes les informations sur ma page Facebook ou sur le site Sabine Fischer Photographie. Exactement, n'hésitez pas à regarder donc nos publications. Et puisque tu parles de Belle-Sainte encore, Sabine, il y a une date, le 31 juillet à Belle-Sainte. Ah oui. Une date sympa puisqu'il s'agit d'un festival, on va appeler ça comme ça, le festival Belle-Sainte. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Où j'aurai le plaisir de vous retrouver avec 2 autres artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Notamment notre artiste chez la Roi, J.P. Laroche, qu'on salue. Oui. Il y aura également Marc Steel Guitar avec ses compos. Tout ça, c'est à l'initiative du groupe Les Berry des Villes, à l'initiative de David, qui a proposé le projet et qui propose de nous produire sur scène. Donc c'est très cool, on va faire ça le 31 juillet à Belle-Sainte. Voilà, avec la mairie de Belle-Sainte. Qu'on remercie d'avoir joué le jeu également. Et pour suivre le reste de mes actus tout au long de l'été, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook, puisque je donne les dates au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et il y en a pas mal, c'est cool, on va se régaler. Un bel été en musique. Un bel été, ouais. Pour bien terminer cette saison, je vous propose de retrouver le groupe Synth avec une berceuse. Calme-toi, calme-toi. Calmons-nous. Ressorti en single le 10 mars dernier. Je vous invite fortement à aller voir le clip sorti en 2022 qui illustre bien la chanson. Ah oui, le clip est génial, il faut aller le voir. Je vous souhaite de passer un bel été. Soutenez le vivant, allez voir les concerts, les expos, les spectacles. Je remercie tous les groupes que nous avons eu le plaisir de recevoir dans l'émission. De belles rencontres, et notamment notre 200e. Ah oui. Et n'hésitez pas à retrouver les podcasts de l'émission sur rdbfm.com. Et oui, cette émission est déjà finie, cette saison est déjà finie, ça passe tellement vite. Une saison qui a été marquée notamment par notre 200e, comme tu viens de le dire, Sabine. On s'est régalé ce soir-là, on a 9 saisons de rencontres et de musique, c'est une richesse. Et on continue dans notre objectif de défendre et soutenir l'art et la culture locale, ou en tout cas l'art et la culture indépendante. Et on se retrouve à la rentrée de septembre, avec les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et oui, passez un bon été. Bye bye. Passez un bon été tout le monde. Salut Sabine et à très vite. Bonjour Oscar, je m'appelle Stéphanie. Je vais être ta nouvelle babysitter aujourd'hui. Oscar ? Alors Oscar, est-ce que ça te dit de faire du piano ? Oscar, tu vas jouer après moi. Calme-toi, Oscar, d'accord ? À toi ! Calme-toi, Oscar. Oscar, calme-toi. Oh, oh, oh. Calme-toi. Mais Oscar, mais calme-toi. Calme-toi. Calme-toi. Mais calme-toi. Calme-toi.